Bonjour. Rapidement, Lucie Seco, syndicat d'énergie de Côte d'Or. Donc, dans l'organisation un peu du système électrique, on se situe au niveau de la distribution d'électricité, puisqu'on est autorité concédante avec le principal concessionnaire en France qui est ERDF. Le CICECO, donc, pour cette compétence, représente 665 communes de Côte d'Or, donc sur 706. Il manque des communes qui sont sommairement à peu près l'agglomération de Dijon, donc essentiellement tout sauf Dijon, donc, c'est-à-dire un territoire essentiellement rural, même s'il y a des petites villes. D'autre part, la Côte d'Or est un département qui est très grand. C'est le quatrième département par sa surface en France. Donc, évidemment, les problématiques de réseau sont particulières quand on a plein de petits points à desservir. Donc, le syndicat d'énergie, compétent donc, pour cette activité dans le domaine de l'électricité, compétent également pour la même chose dans le domaine du gaz, donc la distribution de gaz, l'éclairage public qui est très lié à l'électricité, et depuis quelques années, également une activité dans le domaine de l'énergie, avec du conseil vers les communes pour toute forme d'énergie. Alors en particulier dans ce cadre-là, on a développé un service en fait pour les communes, puisqu'on dépose des certificats d'économie d'énergie. Donc je vais faire le présupposé que vous connaissez le dispositif. Et donc dans ce cadre-là, que fait le CICECO? Eh bien, le CICECO il fait plusieurs choses. Déjà pour lui-même, il dépose des certificats d'économie d'énergie pour les travaux d'éclairage public. Donc ça, on devait le faire, donc on l'a fait. Et donc on a été la première collectivité de Côte d'Or à déposer un certificat d'économie d'énergie pour ce département. Et donc ça consiste à mutualiser le service pour les communes. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, même au début où c'était plus simple qu'aujourd'hui, il y a tas de papiers à faire. Un autre aspect, c'est toujours les économies d'échelle. Plus on rassemble de certificats, plus on a un pouvoir de négociation important, puisque les C2E sont vendus sur une bourse avec des acheteurs. Donc, si vous avez deux actions à vendre, ben, il n'y a pas beaucoup de monde. Si on avait 2000, c'est plus facile. Et puis, ce qui est un peu l'originalité du CICECO, au-delà de la mutualisation, c'est qu'il a décidé. Donc le président est dans la salle, donc c'est lui qui a décidé, c'est pas moi, que l'intégralité du bénéfice des C2E serait reversée aux communes. Alors il y a une petite subtilité, donc c'est juste après, en fait, puisqu'on distingue quand même deux niveaux de mutualisation entre l'éclairage public, où là, le CICECO mutualise des fonds et fait de l'éclairage public pour toutes les communes. Alors évidemment, chaque année, on ne fait pas des travaux dans toutes les communes. Il y a certaines communes où on n'intervient pas. Bon. Toujours est-il que tous ces travaux font l'objet de dépôt de C2E, enfin tous les travaux éligibles, et ça nous permet d'avoir donc un retour qui n'est pas reversé individuellement à chaque commune, mais qui va au pot commun et qui sert à faire des travaux pour tout le monde. Donc là, on mutualise le produit des C2E, c'est-à-dire que cet argent, eh bien, il va servir à refinancer des travaux sur l'éclairage public. Et en général, les travaux d'éclairage public, alors, en tout cas les travaux éligibles, c'est des travaux de rénovation. Donc on est bien dans la spirale vertueuse des certificats qui servent à refinancer des travaux. Alors ça reste, marginal, puisque on fait plusieurs millions de travaux et le produit est de quelques dizaines de milliers d'euros. Bon, ça existe quand même. Et puis dans les bâtiments, alors là c'est aussi assez particulier, puisque là le CICECO n'est pas maître d'ouvrage, il ne fait pas de travaux, il n'a pas de compétences pour faire des travaux dans les communes. Donc les communes font leurs travaux, et là, donc ce que l'on fait, c'est qu'on mutualise le service de gestion. C'est-à-dire on dit donnez-nous les papiers, on s'occupe de tout. On dépose, on vend et on vous reverse intégralement ce qu'on a vendu. Donc si on a vendu pour 100 euros, ben la commune va toucher 100 euros. Et on ne déduit pas de frais de gestion. Ça nous coûte un peu de temps, il faut des agents pour traiter tout ça. On ne le facture pas. Donc voilà pour les deux niveaux de mutualisation qui ont été décidés par le CICECO. Alors pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que donc sur la diapo suivante, on a expliqué pourquoi on était légitime. Ben, ça vient du fait que on a l'éclairage public, mais pour les bâtiments, dans le cadre d'un partenariat avec le conseil régional, l'ADEME, avec des fonds européens, on propose aux communes des missions de prédiagnostic sur le patrimoine bâti. Donc, pour cela, on s'est structuré, on a pris des agents. Et évidemment, dans des prédiagnostics, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'enveloppe, on regarde les travaux à faire, et on classe les travaux suivant leur intérêt du point de vue de la rénovation énergétique. Associé à ça, on fait de la gestion de données, on met à disposition des moyens de suivi pour suivre les consommations énergétiques, on récupère les factures. Donc, pour les communes dans lesquelles on fait des missions de prédiagnostic, c'est d'ailleurs, ça fait partie des engagements de la commune qui bénéficie des missions de prédiagnostic, elles sont obligées de passer par nous pour déposer les C2E. Mais on le fait aussi pour toutes les autres communes. Donc actuellement, on a fait 100 de missions de prédiagnostic pour 100 communes, donc, et on a déposé des C2E pour d'autres communes. Alors pourquoi on a déposé un dossier au niveau du pôle national en leur disant les actions qu'on fait, elles sont très détaillées pour les communes qui ont fait des prédiagnostics, mais elles le sont un peu moins, mais elles existent quand même pour les autres. Puisque il y a des réunions d'élus régulières, il y a des rapports d'activité, et de toute façon, une commune qui veut un conseil sur des travaux, sur son bâtiment du double vitrage, elle peut nous appeler, puisque nous, on a une équipe consacrée à l'énergie et au Siseco. Elle peut appeler d'autres partenaires, mais nous aussi, on est là, on est disponible. Et de toute façon, on relaie les messages des espaces info-énergie, des autres collectivités territoriales dans le domaine de l'énergie. Donc voilà pourquoi nous sommes légitimes et notre légitimité a été validée. Ensuite, sur la diapositive suivante, oui. Donc voilà un peu à quoi consistent les prédiagnostics. Pour vous dire aussi qu'il y a du concret derrière, il y a 100 de communes, donc un potentiel de 30% d'économie d'énergie sur le patrimoine bâti. C'est un peu moins que les objectifs de 38% qui sont affichés un peu partout sur le potentiel, parce que c'est du patrimoine communal, donc qui est souvent des vieilles mairies, des vieux bâtiments, qui sont sans doute les plus difficiles à rénover. Donc le potentiel est indiqué au centre, là, 20 000 MWh, avec trois blocs, ce qui est avec un temps de retour rapide, ce qui est un peu plus long, jusqu'à 5 ans, et puis tout ce qui est du long terme, à partir de 5 ans. Donc, les deux premiers blocs, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Il reste le gros du travail, les 16 000 MWh, qui sont très difficiles à financer, puisqu'il faut mettre 37 millions d'euros pour rénover tout ça, pour faire les 24% d'économie sur la facture. Et donc, c'est en constatant tout ça qu'on s'est dit, bon, on ne va pas enlever... Les C2E, vous allez voir derrière ce que ça représente. Si on enlève encore 30%, ça sera encore 20% de frais de gestion, ça portera pas ses fruits. Donc par rapport à ça, c'est devant ce constat-là qu'on s'est dit, vaut mieux ne pas prendre de frais, et ça sera la contribution un petit peu financière du Siseco aux travaux de rénovation, puisque sinon il faudrait mettre en place des systèmes de subvention. Toujours compliqué, puisqu'il faut arbitrer, il faut sélectionner à qui on va donner. Là, celui qui fait des travaux, il a des C2E et il touche tout de suite le résultat. Et donc le résultat, on a mis une liste d'exemples juste derrière. On aurait dû cacher les communes, mais bon, vous avez des exemples de communes. Il y a des communes... on peut laisser quand même, c'est pas grave. Il y a des villes, des villages. On voit que ça va de... Le C2E produit entre 2 et 40% de l'investissement. Donc quand c'est 2 ou 3%, ça ne change pas grand-chose. Mais quand c'est 40% de l'investissement, c'est vraiment très intéressant, puisque la commune, elle investit 100. Un an après, elle touche 40 de notre part parce qu'on a fait les C2E. Elle a fait des économies d'énergie parce que ces 100 investis lui ont permis de gagner un peu d'argent. Donc ça met de l'huile, c'est sans doute... C'est bien perçu, en tout cas, par les communes. Le bilan sur les 4 années d'existence. Donc l'année 2009 est un peu particulière, puisqu'on a on a valorisé 3 années, en fait. Et elle paraît exceptionnelle, mais en fait, on est rentré en rythme de croisière un peu plus tard. Donc envers l'éclairage public, qui est conséquent également, ça représente à peu près la moitié des gigawattheures que l'on dépose. Et puis le bâtiment. Alors le bâtiment, vous voyez... Donc les communes concernées, c'est pas beaucoup, c'est quelques dizaines. Mais les actions, c'est jusqu'à 100 d'actions par an. Bon, on sait très bien qu'on n'a pas tous les travaux, qu'il y en a qui nous échappent, il y en a qui nous échappent parce que les communes sont les C2E sont captés par d'autres acteurs, ou sont tout simplement oubliés. Et en montant, ben, environ 80 000, on pourrait se dire qu'une année normale, ça serait 80-90 000 euros, sous réserve de négocier à peu près toujours au même prix. Donc chaque année, on fait une vente. Donc c'est géré assez rapidement. Hein. Alors cette année, on a peut-être un peu traîné parce qu'on pensait que ça allait monter. Bon, finalement, on a eu un bon prix. Alors il faut se méfier parce que c'est une bourse, c'est un peu compliqué à... On n'a pas de courtier, hein, on gère ça tout seul, donc c'est, je ne dis pas que c'est optimisé, bon, c'est la bourse, hein. On joue, on perd. Et donc, voilà, concrètement, en finance, ce que ça représente, et ça a permis aussi, c'est fou, de redonner plusieurs dizaines de milliers d'euros aux communes, quand même, qui sont très contentes d'avoir ce retour. Voilà.